Radio Campus Lille, il est midi. Politique, environnement, culture, économie et citoyenneté, 35 journalistes du réseau Radio Campus France prennent le pouls en direct du Parlement européen au cœur des sessions plénières pendant lesquelles nos eurodéputés débattent. Interviews, chroniques, éléments de réponse aux questions des citoyens européens, c'est maintenant sur les ondes des Radio Campus. L'Europe à Strasbourg, c'est une fois par mois, le reste du temps, c'est vide. Jean-Luc Benhamias, membre du groupe ALDE, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, a une idée pour rentabiliser les locaux. Moi, je suis pour que le Parlement continue à aller à Strasbourg, mais par contre, je suis atterré par le fait que ces beaux bâtiments dans lesquels nous sommes aujourd'hui, une fois par mois, trois jours par mois, on y est, le reste du temps, c'est vide. Or, il y a des idées qui circulent, qui circulaient, qui circulent encore, mais qui ne sont pas prises en compte, c'est que pour on n'en ferait pas un lieu de formation pour adultes, de formation pour des masters, master 1, master 2, européens, européanisés, et à plein temps sur Strasbourg. Ces locaux sont absolument magnifiques pour ça. On pourrait accueillir 2000 enseignants, des dizaines de milliers d'étudiants, quel que soit leur âge, et faire de Strasbourg un des hauts lieux de la formation et de l'éducation au niveau européen. 35 jeunes journalistes des Radio Campus à Strasbourg. Une opération soutenue par le Parlement européen. Oui, bonjour, il est midi, c'est Nicolas qui vous parle en lieu et place d'Antoine, qui doit être en train de nous écouter du fond de son lit. Salut Antoine, j'essaie de faire aussi bien que toi, en ce tardif mais beau printemps. Et Christian a eu un petit empêchement, mais on le retrouvera la prochaine fois. Comme Antoine, vous êtes sur Radio Campus et écoutez Angle d'Attaque. Attaque l'association des taxations et transactions financières pour l'action citoyenne. Ce rendez-vous du troisième samedi du mois est, une fois n'est pas coutume, en direct. Nous réclamerons donc votre indulgence si ça couaque de temps en temps. Voilà, ces précisions étant données, de quoi parlons-nous? Alors, d'économie sociale et solidaire, bien sûr, c'est le septième volet aujourd'hui. On pourrait peut-être en faire une compile sur un disque en ligne. Ça se verra par la suite. Tu en penses quoi, de René? Absolument. Et donc on verra, on verra la prochaine fois. Alors le thème de la journée, c'est les AMAP, en particulier l'AMAP des WEP. AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais non de proximité, même si c'est juste. Elle est aussi quand même de proximité. Voilà, pourquoi les WEP? Ben parce que cette AMAP tient son marché dans les locaux de nos amis de l'AMRES. Et ce mardi, à partir de 18h30, on n'allait pas chercher plus loin. L'AMRES, c'est aussi chez nous un petit peu. Donc c'est Pierre Lemasson qui sera invité et qui représente l'association aujourd'hui des AMAP. Donc Pierre, bonjour. Tu vas être mis sur la sellette par René. Donc Xavier est ta technique. Et donc, on commence par l'actualité d'attaque avec René. Alors, René, c'est que c'est à qui cette régie publique de l'eau? On en aurait bien besoin. Ah oui, alors où en est le collectif eau? Eh bien, le 12 avril dernier, le rassemblement devant le siège de LMCU a réuni environ une cinquantaine de personnes. Quant à la réunion publique du 27 mars à Roubaix et celle du 8 avril à Haubourdin, elles ont rassemblé chacune environ 130 participants. Avec des échos dans la presse, on peut donc parler de succès. Mais avec chaque fois, une forte présence des salariés des Eaux du Nord et de leurs représentants syndicaux. Les débats ont été, vous vous en doutez, particulièrement animés. À partir de maintenant, le collectif aborde la dernière ligne droite, en quelque sorte, avant la délibération du prochain Conseil de communauté, le 21 juin. Où sera définitivement établi le choix du mode de gestion de l'eau dans la métropole, à partir de 2015, bien sûr. Alors, ce sera régie publique ou délégation. Aussi, nombre d'initiatives sont déjà prévues, outre, bien sûr, les campagnes de diffusion de tracts et de signatures de pétitions. Il y a déjà la relance de demandes de rencontres auprès des différents groupes LMCU. Déjà, le collectif a rencontré les groupes Europe Écologie Les Verts et Rassemblement Citoyen. Et c'est maintenant le groupe Métropole Passion Commune qui propose une entrevue avec le collectif le 29 avril. Des réunions publiques sont également prévues. À Fache-Tuménil, le 25 avril à 19h, salle Baron, 1-3 rue Édouard Vaillant, avec intervention de Sylviane Delacroix, élue communautaire. À Tourcoing le 3 mai, à 18h30, avec projection du film Water Makes Money et intervention de Bernard Debreu. Et à Lille, le 13 mai, au café L'Imaginaire Place Louise de Bétigny, invitation du collectif par Va voir là-bas si j'y suis, pour un débat en soirée autour d'un verre sur la question de l'eau. Bien sûr, on traite de la question de l'eau, mais vous pouvez, il y a de très bonnes bières à L'Imaginaire. Profitez-en, si vous y allez. Et enfin, aussi, une manifestation si possible festive, soit avant le prochain conseil de communauté, soit le jour même, c'est-à-dire le 21 juin, sur le parvis de LMCU, pourquoi pas. À signaler également le rencard du parti de gauche, Politeia, qui se tiendra à Lille le 4 mai à la MEP, place Georges Lyon, a prévu une table ronde de 14 à 16 heures consacrée au thème de l'eau, avec présence de Gabriel Amar. Et pour conclure, je dirais que le collectif continue de marquer des points et que le retour en régie publique est, semble-t-il, une option de plus en plus sérieusement prise en compte par les élus. Bon, je peux vous donner les contacts si vous souhaitez contacter le collectif. Alors c'est collectif.o@laposte.net et http://collectif59o.blogspot.com. Donc on va écouter maintenant quelque chose, comme on dit ici, de bien bio. Vas-y Xavier. C'est parti. Mes parents sont bio, bio, bio, bio, bio, ne mangent que du bio, bio, bio, bio, bio, ne boivent que du bio, bio, bio, bio, bio, ne jurent que par bio. Chez nous, tout est bio, bio, bio, bio, bio, le sel, il est bio, bio, bio, bio, bio, la poêle, elle est bio, bio, bio, bio, bio, y'a rien qui est pas bio. Mon père, c'est bioman, et ma mère, ben, c'est sa femme. Ensemble, ils sont bio, bio, bio, bio, bio, bio, bio, bio, bio. Seulement voilà, en plus de ça, ils cuisinent tout à la vapeur. Y'a même plus un morceau de beurre. Et moi, je rêve d'un hamburger. Mais mes parents sont bio, bio, bio, bio, bio, n'achètent que du bio, bio, bio, bio, bio, ne parlent que de bio, bio, bio, bio, bio, ne prient que pour bio. Leurs amis sont bio, bio, bio, bio, bio, quand ils se voient bio, bio, bio, bio, bio, c'est à celui qui bio, bio, bio, bio, bio, sera le plus bio. Mon père c'est bioman, marié à biowoman. Ensemble ils sont bio, bio, bio, bio, bio, bio, bio, bio, bio. On mange des blettes ou bien des bêtes, c'est la même chose. Soit disant que c'est plein de vitamines, moi j'irais bien en prendre ailleurs. Par exemple dans un hamburger. Mais à la maison bio, bio, bio, bio, bio, même les rats sont bio, bio, bio, bio, bio, même les claques sont bio, bio, bio, bio, bio, tout le monde il est bio, tout le monde il est bio, tout le monde il est bio, tout le monde il est bio. Alors on enchaîne donc avec les activités d'attaque. Oui, tout d'abord attaque nationale. Alors, eh bien, on va parler du bilan du FSM, c'est-à-dire du Forum Social Mondial de Tunis, qui, pour rappel, s'est tenu du 26 au 30 mars et qui a rassemblé les représentants de plus de 4500 organisations de 128 pays et 62 000 participants et participantes, dont la moitié provenant des mouvements sociaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Par le nombre de militants, la diversité des organisations impliquées, mais aussi la présence de jeunes militants et militantes issus notamment des nouveaux mouvements sociaux européens, le FSM de Tunis marque un renouveau et un retour en force de l'altermondialisme. À propos de l'évasion fiscale et suite à l'affaire Cahuzac, publication d'une lettre ouverte à François Hollande et pétition en ligne. La lettre ouverte propose 5 mesures à prendre sans tarder pour contrer l'évasion fiscale. Et bien sûr, on peut signer la pétition sur le site d'Attaque France. À propos des banques, publication d'une brochure, 20 mesures pour une véritable réforme bancaire. Ces mesures... J'allais dire... En effet... Une vraie... Ces mesures se regroupent autour de 5 axes qui portent sur le contrôle du système bancaire et sa réorientation au service de la société, et bien entendu la réduction drastique des activités spéculatives. Et toujours à propos des banques, tout récemment, une déclaration commune d'Attaque et du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde qui apporte leur soutien aux collectivités publiques en procès contre Dexia et qui exige la mise en faillite de la Bad Bank. Notre-Dame-des-Landes, Attaque soutient la résistance au projet d'aéroport depuis le début et appelle à la participation aux actions du 11 mai, dont Nicolas nous parlera dans son calendrier militant. Oui, à la fin de l'émission. Voilà. Et aussi poursuite de la préparation de l'Alter Summit, ou Alter Sommet, qui se tiendra les 7 et 8 juin à Athènes. Alors, pour les actions du plan local, au plan local, qu'est-ce qu'il en est ? Au plan local, alors attaque locale. On retiendra le succès du tribunal des banques, représentation théâtrale suivie d'un débat, le samedi 6 avril à la maison de quartier de Vauban et Kerm, avec l'intervention d'une troupe de la région parisienne pour la pièce de théâtre, et d'Esther Jeffers, économiste et membre du conseil scientifique d'Attaque, pour le débat. Savoir que la manifestation a réuni plus de 150 personnes. Et aussi, Attaque Roubaix-Tourcoing vous propose une soirée débat sur les solutions pour en finir avec l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Ce sera le lundi 6 mai à 19h à la Fédération des associations laïques, 20 rue de Lille à Roubaix. Et donc je crois, René, que tu voulais également éveiller notre vigilance à propos d'une autre menace, c'est-à-dire pour l'environnement dont on entend peu parler en ce moment. Oui, effectivement. Je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur un sujet que nous avons un peu laissé de côté, étant donné que le péril semblait provisoirement, du moins, quelque peu écarté. Il s'agit de l'exploitation des gaz non conventionnels, ce que l'on résume généralement sous l'appellation de gaz de schiste, bien que le gaz de schiste ne soit qu'un des types de gaz non conventionnels. Bon, donc il faut tout de même savoir que pour l'ensemble de la France, si 7 permis d'exploration ont été annulés, 61 ont par contre été accordés et 110 sont en cours d'instruction. Que les lobbies gaziers et pétroliers exercent de force de pression, certains arguant même que la loi interdisant la fracturation hydraulique ne serait pas constitutionnelle. Que le rapport Gallois, les propos rassurants et avis favorables de certains scientifiques, que le plaidoyer du ministre du redressement productif et les déclarations d'autres responsables politiques, ainsi que la réforme du code minier qui permettrait aux collectivités locales de recevoir une partie des recettes de l'activité d'extraction, nous laisse craindre que les quelques barrières mises en place ne résistent pas longtemps. Alors ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans le secteur du bassin minier, ce qui nous menace dans l'immédiat, c'est le gaz de couche, contenu dans les veines de charbon non exploitées. Donc je précise, les gaz de schiste sont issus du kérogène, qui est une matière organique prise dans les strates de schiste, qui est à l'origine des hydrocarbures. Et ensuite, les gaz issus du charbon, donc les gaz de mine qui proviennent de veines de charbon exploitées, que l'on récupère déjà depuis environ une vingtaine d'années, et ce qui est d'ailleurs une nécessité, du fait de l'exploitation, le sous-sol est fissuré et laisse remonter le gaz jusqu'en surface. qui représentent à la fois un danger et une source de pollution. Et enfin, les gaz de couche, comme je l'ai dit, issus, eux, de veines de charbon non exploitées. Alors, dans notre région, les permis d'exploration couvrent 1400 km² et concernent 92 communes. Ça n'est quand même pas rien. Essentiellement à la limite sud du bassin minier, du Pas-de-Calais et dans le Valenciennois. À l'origine détenus par Gazonor, ces permis sont maintenant sous le contrôle d'EGL, une société australienne, et de Transcor, un groupe belge, qui se partageront les activités d'exploration et d'exploitation. Dans un premier temps, 4 puits sont envisagés sur les communes de Divion, Avion, Bouvigny-Boyeffle et Crépin. Bien que la société en charge de l'exploration, c'est-à-dire EGL, ait certifié que la fracturation hydraulique ne serait pas nécessaire, en fait, pour des raisons techniques, rien n'est moins sûr. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'elle était envisagée au départ, avant l'interdiction. Donc si la législation, suite aux pressions des lobbies, venait à être assouplie, on peut penser qu'ils n'hésiteraient pas à y recourir. Pour rappel, la fracturation hydraulique consiste à pulvériser la roche à l'aide d'un mélange d'eau, de sable et d'un cocktail comprenant plusieurs centaines de produits chimiques. Mais même sans recours à la fracturation, il reste les problèmes de fuite de méthane. Par exemple, aux États-Unis, on estime que tous les puits ont des fuites. De pollution des nappes phréatiques, on se souvient encore de l'image choc du film Gazland, où l'eau du robinet, gorgée de gaz dissous, s'enflamme. Il y a aussi le traitement insuffisant des eaux utilisées et des bouts de forage. Les problèmes d'affaissement de sol, voire de micro-séisme, surtout dans une région où le sous-sol est déjà fortement perturbé. En plus, l'exploitation nécessitera la création d'infrastructures, telles que des unités de traitement du gaz, des routes, des conduites de gaz, etc., qui auront bien sûr un impact négatif sur l'environnement. Et puis, en fin d'exploitation, à qui reviendra la charge de dépollution et de réparation des dégâts environnementaux ? Bref, les gaz de schiste et autres gaz non conventionnels ne sont pas l'Eldorado annoncé. Plusieurs pays ont déjà dû revoir leurs ressources potentielles à la baisse. La baisse du prix du gaz, c'est peut-être vrai aux États-Unis, mais ici, Christophe de Margerie, le PDG de Total, laisse entendre que le prix du gaz ne doit surtout pas baisser si l'on veut que l'exploitation de gaz de schiste soit rentable. Le remède à la crise et au chômage, il n'a pas eu lieu en Roumanie et en République tchèque, qui s'étaient lancés dans l'exploitation. Et de leur côté, la Suède et l'Autriche arrêtent l'exploitation. Il faut savoir aussi que l'exploitation d'un puits ne génère en fait moins d'une dizaine d'emplois directs. Donc, face à cette menace qui se précise dans notre région, les deux collectifs du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire le collectif régional contre l'exploitation des gaz non conventionnels et gaz de couche non merci, ont décidé de se regrouper en une nouvelle organisation. Ouille, ouille, ouille, non au gaz de couche. Le premier ouille avec un H comme la ouille. Et d'entreprendre une série d'actions, des campagnes d'information auprès des populations concernées, la surveillance des affichages en mairie, et également un projet de court-métrage sur la situation dans la région. Bon, je vous laisse les contacts sur Internet. collectif-gaz-npdc@googlegroups.com et gaz de couche, en un seul mot, -nonmerci@list.riseup.net. Voilà. Voilà, maintenant une petite chanson. Et ça continue. Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain. Ça fait pas mal de temps quand on regarde en arrière. Qui nous promettent la lune, les experts, les malins, tous les fins, les finaux qui dirigent la terre. La mondialisation, la globalisation, là qu'on n'entend plus que ça, jusque dans notre village. Ça devait faire débarquer le bonheur dans nos maisons, après juste quelques sursauts, quelques réglages. Eh ben on va rien venir avec Marcel et Roger, l'un qui était cadre et l'autre petit paysan moyen, qu'on a restructuré, fusionné, redéployé, et qui se retrouvent égaux maintenant qu'ils sont plus rien.

D'accord. Et par exemple, à la MAP des web, vous produisez quoi en fait tout enfin, moi, je produis rien. Il n'y a que Romuald Bott qui produit, qui fait principalement des légumes. D'accord. Des légumes en toutes sortes. Oui. Et l'autre AMAP, c'est... Ce sera à peu près la même chose. Ils essaieront d'avoir un travail complémentaire en intelligence. Ils se partageront des tâches, ils se partageront du matériel. Ils travailleront ensemble. Il vaut mieux, par exemple, plutôt qu'être pendant 3 jours, enlever des mauvaises herbes tout seul sur son tabouret dans le froid. Il vaut mieux faire ça pendant 1 jour et demi à 2 en se parlant. C'est beaucoup plus agréable. Mais chacun aura son AMAP de son côté avec ses AMAPiens de leur côté. D'accord. Donc les AMAP ont pour objectif le maintien de l'agriculture paysanne par la mise en place d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Tout à fait. Et d'une relation pérenne entre l'agriculteur et les consommateurs. Oui, parce que en fait, c'est vrai qu'on constate souvent que la relation entre producteur-consommateur n'est pas tout à fait équilibrée. Enfin, il nous semble aussi, avec tous les intermédiaires qu'il y a, en général, ça pose un peu ça complique un peu les choses. Tout à fait. Nous, on a choisi de supprimer tous ces intermédiaires pour plein de raisons. C'est la première des raisons, effectivement, comme le dit le sigle de la MAP, on veut permettre à un paysan de pouvoir vivre de son travail d'agriculture, de maraîcher en l'occurrence. Et sa production est directement vendue aux AMAPiens. Alors le principe est le suivant, il nous semble très simple. L'association, elle, s'occupe de trouver des adhérents, des AMAPiens, qui s'engagent pour un an à acheter l'ensemble de la production de ce paysan. Alors nous, on ne va pas chercher un panier bio. C'est une notion parfois qui nous irrite un petit peu les oreilles. Ceux qui vont là, enfin je ne veux pas trop les critiquer, ils habitent où ils veulent, mais ceux qui sont dans les centres-villes, qui vont sur leur petit vélo à chercher leur petit panier bio. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on partage une production. Toujours en collaboration, en transparence avec notre producteur, nous choisissons avec lui les légumes qu'il peut faire pousser tout au long de l'année. Et ces 60 personnes s'engagent à acheter l'ensemble de la production pendant un an. Chacun paye au rythme qu'il désire, mensuellement, trimestriellement ou d'une seule fois. Et c'est l'ensemble de la production qui, chaque semaine, est partagé parmi les 60 AMAPiens. Donc nous avons 1/60 de la production chaque mardi pour notre distribution qui se fait donc à la MRES. Oui, la MRES qu'on connaît bien. Et donc, René, tu avais quelque chose à dire ? Oui, donc on peut retenir que ce n'est pas obligatoirement une production biologique, ça peut être une production... Non, la charte des AMAP, que je ne connais pas par cœur, mais que je connais quand même un peu, prône l'accès vers le bio. Notre AMAP, notre AMAP, c'est pas la MAP qui est bio, c'est la production de Romuald Bott qui est bio. Il a eu son terrain, il s'est arrangé pour au bout de 3 ans d'avoir le label AB, agriculture biologique. Donc tout ce qui est produit par Romuald Bott dans la MAP BEWEP ce sont des produits bio. Et d'ailleurs, il y a une démarche en ce moment pour aller encore au-delà de cette norme AB qui nous semble un petit peu... Parfois, il y a des aspects un petit peu laxistes, on trouve. Je ne sais pas si je peux en parler un petit peu, là. C'est que... c'est un petit peu mon impression qui est partagée par d'autres. Hein. Je tiens à préciser que je parle au nom de notre association, mais je ne suis pas le représentant de l'association puisque nous sommes plusieurs. Mais là, ce que je vais dire, c'est ce que je pense, moi. C'est que le label AB a été fait, il me semble, donc, pour permettre aux produits portant cette marque d'être, par exemple, présents dans la grande distribution. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, pour faire pousser des endives, il est permis, en ne violant pas les normes de l'agriculture biologique, enfin du sigle AB, de faire pousser des endives hors sol. Certes, en n'ajoutant pas des saloperies, des produits chimiques et tout ça, mais ça pousse avec de la flotte. Donc en gros, ce qui pousse qu'avec de la flotte, c'est un goût de flotte. Les vraies endives qui ont un bon goût, ce sont des endives de terre. Le goût vient de la terre. Donc, avec une norme AB, on peut faire pousser, par exemple, des endives hors sol. Autre chose, parce que il y a l'énorme nature et progrès vers lesquels on semble se diriger, nous, dans notre AMAP des web, c'est comment expliquer ça ? Il y a des normes avec des traits à accomplir hein, sur le papier. Le paysan qui est contrôlé tout le temps pour les normes AB, ce qui est normal, il passe juste la limite, il arrive dans la norme. Et pour chez AB, eh ben, c'est bien, il est coché comme étant, il est dans la norme, même s'il est très très près de la limite acceptable. C'est aussi peut-être un argument parfois commercial. Bien sûr, tout à fait, évidemment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la grande distribution. Ils se suffisent de cette norme un petit peu juste. Et après, il y a un autre aspect de la proximité dont on parlera après. Et donc, la différence avec Nature et Progrès, c'est que si lors d'un premier contrôle, Nature et Progrès s'aperçoit que le paysan est très très près de cette norme, presque à la limite de ne pas y être, eh bien, il va le noter. Et la fois d'après, il va demander au paysan quel a été son progrès. C'est pour ça que Nature et Progrès. Et voir comment il a fait pour être beaucoup plus loin de cette limite un peu stricte. Et aussi donc pour la proximité, les produits bio, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi la proximité. Moi personnellement, je préfère acheter une salade, même dans une grande surface, qui a été cultivée chez un maraîcher non bio de la région, plutôt qu'acheter une belle salade bio qui vient soit d'Amérique, soit même d'Afrique du Nord. Je pense qu'en bilan de consommation de produits pétroliers pour produire cette salade, le transport est infiniment plus important de celle qui vient de très loin que plutôt le pétrole qui a servi à chauffer la serre ici. Et je me demandais, quand les produits sont étiquetés, par exemple, en supermarché France, donc est-ce que ça peut quand même transiter par d'autres pays lointains? Oui, enfin, je connais pas exactement tous les trafics qui peuvent se faire, mais bien évidemment que ça existe. Hein. J'en profite pour rappeler, parce qu'elle me revient à l'instant, dans Nature et Progrès, je crois qu'il y a une des normes qui dit qu'aucun produit ne doit venir de plus de 100 km autour de l'endroit où il est consommé ou vendu. Selon vos normes à vous, c'est Nature et Progrès, ça. Oui, Nature et Progrès. Bah, nous, c'est encore moins, puisque nos limites pour la map des web, qui a cette spécificité d'être coupée en deux, le terrain est à Anté, et il y a deux distributions. La map est coupée en deux groupes. Il y a le groupe qui est à Anté, autour du terrain, et l'autre moitié qui est à Lille. Alors pourquoi il y a ces deux groupes? Parce que 30 personnes ne suffiraient pas à faire vivre notre paysan, il faut à peu près qu'il y ait une soixantaine de personnes. Et à Anté, comme c'est une zone de campagne, comme on dit par ici, et il y a beaucoup d'autres fermiers, des gens ont des jardins, donc il y a la plus grande difficulté à trouver des amapiens qui adhèrent à ce système-là. Donc il faut aller chercher des citadins, dont je fais partie, pour compléter le nombre d'amapiens nécessaires pour faire vivre un paysan. Oui. Donc c'est cet aspect aussi, à la fois de proximité et de solidarité. Et justement, j'ai une question. Est-ce que la solidarité envers le producteur, je pense qu'elle n'est pas seulement financière, il y a aussi parfois au cours des travaux importants comme les récoltes. Je vais me poser la question parce que pour moi c'est tellement évident que j'oublie de le dire. C'est que dans l'engagement, et c'est pour ça que je parlais d'adhérent au début, on adhère à des idées. Dans l'engagement, quand on adhère à la MAP, il y a une charte qu'on contraint les gens à lire, à signer, à connaître et à appliquer ensuite. C'est-à-dire que non seulement on s'engage à acheter la production pendant un an, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on s'engage à participer aux travaux et à la distribution. Notre paysan, en particulier pour Lille, comme je viens de le dire, à Anté, c'est sur place, ça se trouve moins, mais il amène sa production, il a pesé, en gros, il a pesé tout ce qu'il a récolté pour ce jour-là. Il divise, comme il s'agit de la moitié, il s'agit de Lille, il divise par 30 sa production, et il affiche sur un tableau, voilà, il y aura 5 kilos de carottes, 3 kilos de mâches et différents autres légumes. Et ce sont les amapiens qui font la distribution, c'est pas du tout lui. Lui, il apporte. Et les amapiens font la distribution, on s'organise tout au long de l'année, et par deux ou par trois, et on pèse et on donne dans les paniers, d'une part. Et d'autre part, on s'engage par contrat à aller au moins deux fois par an, ce qui est vraiment très très peu, participer à des travaux. Alors les travaux, ça peut être comme quand Romuald a commencé son installation, c'est-à-dire aller déboulonner des vieilles serres qu'il a récupérées chez un maraîcher qui cessait de travailler et qui les lui a vendues pour les remonter sur son terrain. Ça peut être la construction d'un hangar sur son terrain. Ça peut être aller tout bêtement aller enlever les mauvaises herbes parmi les cultures. Ça peut être aller ramasser des carottes. Ça peut être aller planter des carottes, planter des choux. Voilà, on l'aide beaucoup. Ça lui fait, il gagne du temps. Et en plus, c'est d'une extrême convivialité. Ça se termine toujours, ça s'est ponctué toujours par une auberge espagnole. Chacun ramène à manger et à boire. On ne s'ennuie pas. C'est très joyeux. On apprend plein de choses. On retrouve les vraies valeurs. On retrouve les valeurs de la terre. Au début, quand on va chercher, on se dit qu'on doit aller chercher les légumes tous les mardis soirs. Nous, c'est le mardi de 18h à 19h30. On se dit que c'est un petit peu contraignant d'aller toujours au même endroit. Aller dans une grande surface, le soir en courant, pousser son chariot, c'est aussi contraignant. Mais, et en plus, on a des contacts, on parle avec des gens qui partagent les mêmes envies, les mêmes idées que nous, on échange des recettes, parce qu'on découvre des légumes qu'on ne connaissait plus. On réapprend les saisons. Hein, on a réappris à ne pas manger des tomates, par exemple. Les tomates, c'est le fruit emblématique. Ouais. On mange plus de tomates en hiver. Non pas parce qu'on est bien militant, on est convaincu, on s'empêche de le faire. C'est que quand on achète des tomates en hiver, on trouve qu'elles sont dégueulasses. Alors que les tomates qui viennent du terrain, mais tout le monde a des yeux énormes. Elles sont délicieuses. On retrouve le goût des choses. Et c'est toutes ces choses positives qui nous font aimer et militer au sein des AMAP. Et tout à fait. Et en même temps, c'est très formateur pour les citadins, j'irais. Pour les citadins, pour les enfants de citadins qui sont bloqués devant leur tablette, devant leurs écrans, qui ne savent plus ce que c'est qu'une poule et que ça a des plumes et qu'un poisson, ça va dans l'eau. Et ils découvrent les choses, ils mettent les mains dans la terre, ils participent. Bien sûr, au début, ils rechignent un petit peu, puis après, ben, ils trouvent que c'est vachement sympa. Et je veux dire, justement, est-ce que les gens, enfin les citadins, se mettent facilement aux travaux agricoles? Bah facilement non, il y a toujours ça dépend aussi de l'origine sociale des Amapiens qui est très diverse. Au début, il y a un certain étonnement et après on plonge là-dedans, hein. C'est comme l'eau froide, hein. Une fois qu'on a mis 1000 pieds, on trouve qu'elle est très bonne et c'est agréable de nager. Donc voilà, ensuite est-ce que les AMAP, il y en a dans plusieurs pays et ça s'exporte un petit peu. Et d'ailleurs, à l'origine, ça vient du Japon. Hein, c'est... Au Japon, évidemment, les produits étaient pollués. Mais je ne sais plus, je crois que l'un de vous deux a un petit peu cherché les origines exactes des origines. Oui, c'est moi. C'est à moi. Eh bien oui, en fait, il semblerait que la France ait plutôt importé le modèle des AMAP. D'après les informations que j'ai pu trouver, c'est un couple d'agriculteurs du Var, donc Denise et Daniel Vouillon, qui ont créé la première AMAP, en 2001, après avoir vu fonctionner les Community Supported Agriculture, excusez l'accent, ou les CSA aux États-Unis. Et aux États-Unis, ça a commencé à se développer dès les années 1985. Donc, oui. Mais en remontant même plus loin, le tout premier pays qui serait à l'origine des AMAP, ou leur équivalent, c'est le Japon. Parce que dès les années 60, les mères de famille étaient inquiètes de la présence de pesticides dans les aliments, notamment le lait et les légumes, je crois. Et elles ont formé des associations pour passer des commandes de produits biologiques aux fermiers. Au Japon, ça s'appelle les Teikei. Oui. En japonais, ça veut dire partenariat. Voilà, donc c'était aussi des systèmes d'achat direct, de proximité et, comment je vais dire, associatif. Donc, maintenant, dans bon nombre de nos voisins, il y a des équivalents des AMAP. Au Royaume-Uni, ce sont les CSA. En Belgique, c'est les GASAP. En Italie, c'est le Gruppi di Acquisto Solidare. Vous excuserez l'accent. Au Portugal, c'est les Reciprocos. et en Suisse, les food grids. Et il n'y a pas seulement qu'en Europe, c'est que dans bon nombre de pays du Sud, comme la Malaisie, le Maroc, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, on trouve aussi des équivalents des AMAP. Donc c'est, actuellement, c'est en plein développement. Y a-t-il une possibilité éventuellement de lien entre les AMAP de ces différents pays? Ou est-ce que ça existe déjà? Ou est-ce que éventuellement, je ne sais pas, ce serait... Comme c'est quelque chose qui est très local, une AMAP. Hein. Moi, je parle en fonction de la MAP à laquelle j'appartiens. Il y a des liens entre différentes AMAP ici de la région. Par exemple, il existe à Bord... Il est en train de déménager, mais il existe à bord une AMAP de viande. Il y a Grégory, je ne sais plus son nom de famille, qui fait la très belle viande de porc. C'est rigolo quand on va dans son élevage. On voit dans les prés, on voit des porcs, des gros porcs, qui ne sont pas des cochons roses, mais des cochons tachetés qui courent dans les prés avec leurs petits. C'est assez extraordinaire. Ça n'existe plus. Et certains d'entre nous, par l'intermédiaire de notre AMAP de légumes, sont adhérents de l'AMAP de bord pour la viande. Ce sont ce genre de liens qui existent. Il existe aussi ce que fait aussi Romuald, notre paysan, avec notre accord. Encore une fois, il demande toujours notre avis. C'est quand il a un surplus de légumes, il en échange avec une autre AMAP qui a les mêmes caractéristiques que la nôtre, hein, qui est en bio, et il échange son trop-plein de... Je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais il échange son trop-plein de carottes contre un trop-plein de pommes de terre, et il nous fournit comme ça des pommes de terre qui viennent d'une autre AMAP. Ok. Je crois d'ailleurs que les AMAP sont organisés en réseau régional. Il y a aussi un réseau régional, effectivement, qui regroupe un peu l'organisation des AMAP. Il nous arrive pendant l'année que des gens nous demandent « Ah ben c'est chouette ton AMAP, on fait découvrir ça à des amis qui viennent à la maison, à qui on en parle et qui disent « Je voudrais adhérer ». On dit « on ne peut pas adhérer en cours d'année parce que le contrat est fait en début d'année pour un certain nombre de personnes, on ne peut pas aller au-delà, sinon ça diminuerait les parts et puis surtout c'est pas dans la charte ». Donc on lui dit « Soit tu attends l'an prochain s'il y a une place qui se libère et on te met dedans, soit tu t'adresses à la coordination, je ne sais plus exactement son nom régional, et qui, elle, connaît des AMAP qui se montent ou des gens qui auraient des disponibilités dans d'autres AMAP. Et puis cette association aide aussi les nouvelles AMAP à se créer. Et je crois qu'il y a aussi un système participatif de garantie pour... Non, ça, je le connais moins. Par l'intermédiaire de l'association ? Oui, c'est pour permettre, je crois, aux amapiens aussi de faire connaître les produits d'autres producteurs. Moi, c'est peut-être l'exemple de Bord, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est ça, mais il y a de temps en temps des sortes de marchés, de foires, de fêtes auxquelles on demande de participer et de venir parler de notre AMAP. Et d'autres AMAP sont parfois présentes aussi pour parler des leurs. Donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais là, je connais moins cet aspect-là. Et vous parliez de parts, donc chaque amapien possède, comment ça se passe un peu? Chaque amapien possède, achète une part ou... Il achète une part du gâteau, si je veux dire. Oui, une part de la production. De la production du paysan. Hein, prendre un exemple facile, ça me permettra de ne pas faire d'heure de calcul. Il y a 60 amapiens, s'il y a 600 kilos de pommes de terre qui sont produites, chaque amapien aura donc un dixième de cette production à la distribution, tout simplement. D'accord. Et en cas, par exemple, de mauvaise récolte, ça peut arriver? Ça arrive tout à fait. Ça fait partie aussi de la charte. On assume totalement les éventuelles erreurs ou accidents de la production. Si un légume ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Le paysan nous l'explique. Voilà, ça n'a pas fonctionné pour telle et telle raison. Et il n'y en a pas. Et puis c'est tout. Nous, avec Romuald Bott, on a rarement eu ce genre de problème. Il y a eu quelques fois des légumes, il en espérait davantage. Et on n'en a eu pas beaucoup parce que ça ne prenait pas, parce qu'il n'a pas su, parce qu'il a fait mauvais, parce que pour plein de raisons. Mais il est évident que ça fait partie du jeu, si c'est un jeu. Et on en a moins, et puis on en aura la prochaine fois, ou on aura autre chose la prochaine fois. Et j'ai connu aussi, c'était pas chez nous, mais la connaissance, et je trouve ça vraiment très bien, c'est que pour aider qu'une AMAP se mette en place, des AMAPiens ont adhéré, par exemple au mois de janvier, ont commencé à payer mensuellement, sachant qu'au mois de janvier, il n'y a rien, pour une AMAP, surtout pour une AMAP qui commence. Une AMAP qui a déjà travaillé, le paysan a pu mettre quelques légumes de côté, au frais, et donc les AMAPiens ont accepté de payer pendant 6 mois pour ne rien avoir, en attendant la récolte, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu un terme que vous concluez entre vous. Ce avant, sont, tout à fait, oui, ça fait partie de nos contrats, des contrats entre AMAPiens et paysans. Mm-hmm. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle, pour le maintien d'une agriculture paysanne, on permet à un paysan, c'est pas un acte commercial, c'est un acte de société, de solidarité. Oui, donc ce qui veut dire, oui, c'est ça, que les citoyens qui adhèrent aux AMAP sont également engagés, ont des convictions. Ça me semble évident. Oui, d'accord. C'est pas des clients simples. C'est absolument pas des clients, et c'est pour ça qu'on s'appelle aussi, j'ai dit tout à l'heure, des consommateurs, oui. Hein, de consommer et acteurs, des consommateurs. C'est-à-dire qu'on participe à notre hauteur avec nos compétences et nos moyens à ce qu'un paysan puisse vivre de son travail. Mm-hmm. Et justement, alors, on a parlé un peu des AMAP à l'étranger. En France, actuellement, on estime qu'il y a 1 000 000 d'AMAP qui approvisionnent environ 50 000 familles. Et actuellement, les AMAP continuent de se développer. Mais jusqu'où peut-on envisager ce développement et quelle est la taille maximum pour une AMAP ? Moi, je pense que la taille maximum d'une AMAP, c'est ce que peut produire un paysan et en vivre pour un certain nombre d'AMAPiens. Je trouve que c'est la limite est là. Après, il faut multiplier, évidemment, tenter de multiplier le nombre d'AMAP. Mais le nombre d'AMAP, ça veut dire le nombre de terrains. Les terrains sont de plus en plus difficiles à trouver, surtout, bien sûr, autour des villes. Est-ce que, justement, à ce sujet, est-ce que vous travaillez en relation avec Terre de Liens, par exemple ? Alors, on connaît Terre de Liens, par exemple, lors de nos dernières assemblées générales, Terre de Liens a été présentée et les petites économies que nous avions, nous a permis d'acheter une part de Terre de Liens. D'accord. Donc, on a participé à Terre de Liens, nous, à MAP, on a acheté une part. Je ne me rappelle plus quel montant c'est, mais c'est pas énorme. Mais bon, c'est un travail de fourmi. C'est le fameux colibri qui va éteindre le feu d'incendie avec juste 3 gouttes d'eau dans le fond de sa gorge. Hein, mais s'il y a beaucoup de colibris, ça peut peut-être fonctionner. J'ai une dernière question. Oui. Vous savez que j'avais évoqué une polémique soulevée par un arboriculteur fruitier qui a d'ailleurs écrit un livre « Les fruits de ma colère », donc Pierre Priolet, qui lui considérait que les AMAP partaient certes d'un bon sentiment, comme raccourcir les circuits de distribution, mais il considérait que notamment faire circuler une camionnette avec 2 à 400 kilos de marchandises, ça consommait finalement plus de carburant, bien sûr selon lui, qu'un camion de 20 tonnes qui livrerait un magasin. Quel contre-argument pouvez-vous développer ? J'ai pas de chiffrage précis là-dessus, moi, je sais pas sur son chiffre, mais on peut penser à un cargo qui amène... Un camion ? Oui, pourquoi pas parler d'un cargo qui vient d'Amérique du Sud aussi, hein, avec des salades à l'intérieur. Je sais pas, là, j'ai pas fait ce calcul-là. Nous, au sein de notre AMAP, on fait la proximité au maximum, on minimise les déplacements au maximum. Oui. Il y a une camionnette, effectivement, qui remplit ras la gueule de légumes tous les mardis. À part venir en brouette, je ne sais pas comment on pourrait faire, quoi. Et sinon, il y a aussi un point qui me semble aussi important, c'est que la MAP permet à l'agriculteur de vivre correctement. Est-ce que ne permet pas le cargo ? Est-ce que ne permet pas non plus le camion ? D'autant plus que c'est un exemple. On s'en aperçut au bout de quelques années, hein, comme encore une fois, il y a une grande transparence. Romuald Bott nous montre tous ses comptes personnels. Il nous dit de quoi il vit et comment il vit. Et on s'est rendu compte, il y a 2 ans, qu'il ne vivait pas bien, qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Et c'est nous qui lui avons imposé d'augmenter ses prix pour qu'il puisse mieux vivre, parce qu'on ne trouvait pas normal qu'il vive avec si peu d'argent. Et de la même manière, il ne prenait pas de vacances. Alors à l'époque, il n'avait pas d'enfant, maintenant il en a. Mais on lui a appris à prendre des vacances, il y a pris goût. Et on s'organise quand il n'est pas là, et bien, avec ses instructions... Il part une semaine en vacances et on va nous-mêmes récolter ce qu'il y a à récolter pour la distribution. On fait nous-mêmes la récolte, on fait la distribution. Et on l'a contraint au début, donc d'une part à se payer plus et d'autre part à prendre des vacances. Et ça, on en est très content. Ça, c'est très bien. Je pense, pardon. Tout à fait, justement, c'est un argument à opposer à justement Pierre Priolet, qui s'inquiétait aussi du nombre d'heures de travail du producteur et du peu de considération. Or, vous venez de nous montrer que c'est faux, puisque... La considération, on en a tellement que c'en est parfois de l'admiration pour le travail qu'il fait. Le nombre d'heures qu'il fait, notre Romuald, il est, on le sait, gigantesque, mais on essaie, par les travaux qu'on a évoqués tout à l'heure, de l'aider de temps en temps. Hein. Oui. Il y en a qui passent régulièrement au terrain sans qu'il y ait un chantier bien précis qui les défini, et on essaie d'alléger un petit peu sa tâche. D'accord, oui. Donc voilà, c'est très bien. Bah, merci beaucoup, Pierre. Et donc, ce qui m'attire un peu l'attention, c'est le fait que, contrairement à certaines idées reçues, que le bio, le monde du bio, c'est pour les bobos, etc., en fait, c'est vraiment, comme vous me disiez hors entretien d'aujourd'hui, c'est pas forcément plus cher, en fait, le bio. Et donc, oui. Non, et on l'a fait, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux pas en parler précisément, mais l'un d'entre nous a pesé, mesuré, quantifié tout ce qu'on avait eu tout au long de l'année comme légumes, il l'a comparé au prix du marché, et on s'est aperçu qu'on payait beaucoup moins cher que le prix du marché. Et donc ça profite aux paysans et aux consommateurs. Tout à fait. Et contrairement aussi à ce qu'on entend beaucoup, la production bio, les rendements sont très bons, seraient même parfois meilleurs. Moi, j'ai vu une étude, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, je ne sais plus qui disait que le bio pouvait nourrir la terre maintenant. C'était une idée défendue par les opposants du bio en disant si tout le monde mange bio, on va crever de faim. Et ben il a été prouvé que non, c'est le contraire. Et si j'ai le temps, juste une anecdote que nous citait Romuald, dans l'un de ses contrôles, il y a des gens qui sont venus pour contrôler justement le rendement du bio, où je peux aller, demandait-il à Romuald, qui a dit bon, bah, vous allez où vous voulez. Ils ont pris un mètre carré d'un légume, je ne sais plus lequel, ils ont tout pesé, et ils sont revenus le lendemain en disant il y a quelque chose qui ne va pas, alors est-ce qu'on peut prendre un autre mètre carré, parce que ça ne correspond pas à nos chiffres. Ils ont pris un autre mètre carré, et en fait, leur perplexité venait du fait que le rendement qu'ils constataient là, en bio, chez Romuald, était bien supérieur à d'autres cultures beaucoup plus conventionnelle, et ils en étaient eux-mêmes très étonnés. Bon, c'est pas forcément une règle générale, mais là, c'était un exemple. Voilà, c'est une très bonne conclusion. Donc, merci beaucoup, Pierre Lemasson, pour votre présence et c'est votre tout ce que vous avez pu expliquer qui clarifie, je pense, un peu les choses et même est très. Voilà. C'est... Tout à fait. Donc, on enchaîne avec. La lecture. Oui. René. À René. Ouais. Alors oui, j'ai justement un conseil de lecture à vous lire. Je vais vous présenter un livre qui m'a paru particulièrement pertinent au regard des orientations d'attaque que nous avons évoquées là depuis plusieurs mois. Au regard donc de notre série d'émissions consacrée à l'économie sociale et solidaire. Donc, dans son ouvrage « Un million de révolutions tranquilles », Bénédicte Magnier, qui est journaliste, nous montre par un large éventail d'exemples pris aux quatre coins de la planète comment de simples citoyens ou groupes de citoyens sont peut-être en train de changer le monde, sans faire de bruit, en tournant le dos au modèle de société dominant et en prenant d'autres valeurs, telles que le partage et la solidarité, la gratuité, le respect de l'humain et de l'environnement, la démocratie, la participation citoyenne, le sens du bien commun, etc. Ces initiatives touchent autant le monde développé que les pays émergents et que les États les plus pauvres. Elles partent de simples citoyens ou citoyennes, de la base en quelque sorte, et ne sont jamais l'œuvre de grandes institutions publiques ou privées. Elle concerne un vaste éventail de domaines qui va de la production alimentaire et des circuits de distribution courts, comme les AMAP, dont nous venons de parler aujourd'hui, à la production locale d'énergie verte, la gestion et la distribution d'eau par les citoyens, en passant par l'échange, le partage de biens et de services, comme les sels, les partages de savoir, le modèle coopératif qui emploie dans le monde 100 millions de salariés, soit 20% de plus que les multinationales, ou encore le financement solidaire comme les clubs d'épargne, les cigales, etc. Je pourrais continuer l'énumération. Je vais juste vous citer trois exemples rapportés par l'auteur. Alors, en Inde, par la redécouverte de leur savoir-faire traditionnel en matière de gestion de l'eau et d'irrigation, les villageois ont réussi à faire reverdir un Rajasthan en voie de désertification depuis plusieurs décennies. À Détroit, aux États-Unis, ville sinistrée par la crise de l'industrie automobile, devenue une vaste friche industrielle, les habitants restés sur place, c'est-à-dire les plus pauvres, développent progressivement un vaste réseau de potagers communautaires qui les approvisionnent en produits frais, remédient aux problèmes de malnutrition et sont peut-être en train d'inventer, de cette manière, un modèle inédit d'urbanisme. Les coopératives, enfin, source d'émancipation féminine dans les pays du Sud, à l'exemple de l'Ijat en Inde, spécialisée dans la production alimentaire et qui n'emploie que des femmes démunies, principalement en zone rurale, et qui a permis à 42 000 d'entre elles de sortir de la pauvreté, ce qui ne l'empêche pas d'être une entreprise prospère et même exportatrice. Cette multiplicité d'initiatives est en plein essor et montre comment les citoyens et les citoyennes réagissent, s'organisent et se détournent du système dominant, cette mondialisation heureuse qui les a spoliés, qui n'a pas tenu ses promesses et qui nous mène dans le mur. Elle montre aussi l'aspiration croissante à un autre mode de vie, à d'autres valeurs. Cette mondialisation, voulue par les puissants, est finalement peut-être en train de leur échapper, avec l'irruption de cet agir local, pensée globale. Ce livre est porteur d'espérance. C'est pourquoi je vous le recommande. 1 million de révolutions tranquilles, comment les citoyens changent le monde, de Bénédicte Magnier, aux éditions Les liens qui libèrent, pour 22,90 €. Ok, donc on enchaîne avec les rendez-vous d'Antoine, fait par Nicolas pour une fois. comme Antoine n'était pas là, mais il nous écoute. Donc voilà, il y aura pour le calendrier militant, le cheval de bataille des intermondialistes est actuellement lié au mouvement de résistance contre le projet d'aéroport transatlantique de Notre-Dame-des-Landes de Nantes, où se sont déroulés de vifs affrontements il y a quelques jours. Alors comment exiger l'austérité aux citoyens, citoyennes, contribuables que nous sommes et dépenser des millions d'euros pour un projet inutile comme celui-ci, alors que l'actuel aéroport de Nantes peut être agrandi? C'est vrai, c'est pourquoi une chaîne humaine est prévue autour de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes le samedi 11 mai prochain à 14h. Et ce sera suivi d'un concert de soutien en soirée. Vous pouvez retrouver plus d'informations par le site www.chaine-humaine-stop-aéroport.org. Je répète, www.chaine-humaine-stop-aéroport.org. Et un bus au départ de Lille dépend de vos inscriptions en écrivant à stopaero, S-T-O-P-A-E-R-O, -ndl-npdc@list.rizup.net. Alors, autre point important de ce calendrier militant, ce sera le 1er mai et sa manifestation unitaire, ainsi que le 12e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale dans les quartiers des arts à Arras. Ce sera de 10h à 19h. Et ce sera la... Voilà. Donc le 1er mai. Et après, il y aura également la 13e édition de la Louche d'Or dans le quartier de Oisem à Lille, de 15h à 22h. Le site, c'est www.atacafa.com. Donc après cette fête du travail, la saga des Contis, où le licenciement des 1120 salariés de l'usine pneumatique continentale de Clairoix sera le thème d'une soirée projection. Le mardi 14 mai à 20h30, au cinéma Le Méliès, à Villeneuve-d'Ascq, rue Traversière, où il y a le centre commercial. Donc, dans cette salle classée d'art et d'essai sera traitée l'agroécologie en France par la projection d'un documentaire intitulé « Pierre Rabhi, au nom de la terre ». Suivi d'une discussion avec l'association régionale des AMAP le jeudi 16 mai à 19h30. Donc pour des raisons de sécurité, je rappelle qu'il faut payer par carte bancaire maintenant, comme voilà. Alors ensuite, le prochain cabaret de l'Union également a choisi le...